Le retour de l'heure, par Daniel Le Sueur. Dans le jardin solitaire, Antoinette s'est assise sur un vieux fauteuil d'osier bruni. Contre le dossier trop incliné, elle renverse le buste. Ses yeux se perdent parmi les hauts feuillages des platanes, que traverse à peine la clarté amortie d'une brumeuse après-midi de juillet. Pas un souffle, aucun bruit. Sinon le gazouillis des oiseaux et le susurrement de la source grêle, qui ne trouble pas le silence, mais le rend au contraire plus profond. Pourtant, une voix parle à cette jeune femme, dont la songerie se devine douloureuse. Une voix muette, la voix impérieuse des parfums. Les herbes fraîchement fauchées de la pelouse lui envoient leur arôme chaud, vivace, que tempère tout près la laine torpide des mousses qui font s'hiver le miroir du petit étang. À deux pas d'Antoinette, un chèvrefeuille enlace le portique d'une charmille. Il y a toujours eu du chèvrefeuille à cet endroit, même quand, toute petite, elle y promenait ses poupées. L'odeur de son enfance pénètre étrangement dans son cœur déchiré. Comme elle a bien fait de se réfugier ici. Comme elle y savoure mieux sa détresse, dans une ardeur si sombre qu'elle y goûte une sorte de volupté. Mais pourquoi souffre-t-elle ainsi avec une si soudaine et si totale désespérance? Son mari, ce Julien, dont elle a découvert la trahison au moment où peut-être enfin elle allait l'aimer, est-ce lui, est-ce un acte quelconque de lui, qui déchaîne en son cœur un tel vertige d'amertume? Antoinette se le demande et ne le croit pas. « Je n'ai que 26 ans, se dit-elle, on me dit jolie. Combien m'ont fait la cour? Mes deux enfants sont près de moi, rien ne me séparera d'eux. Le divorce, que je réclame, sera prononcé en ma faveur puisque je suis sans reproche. Je n'avais que de l'amitié pour Julien. S'il avait voulu, oui, sans doute. Mais il n'a pas eu la patience d'attendre. Il n'a pas senti que peu à peu. Maintenant c'est fini. Je ne le hais même pas. Mais alors pourquoi? Pourquoi donc suis-je si atrocement misérable? Elle ne formula pas la réponse. Les choses sans voile insinuèrent dans sa conscience. La firent lever du fond de sa mémoire. Le chèvrefeuille commença. Puis ce fut le murmure de la petite source, s'égrenant perle à perle dans l'étang. Et le foin s'échant sous le soleil voilé, dans l'atmosphère lourde où stagnait son arôme. Et le décor des anciens étés. Et l'heure qui lentement étirait les rayons flous, allongeait les ombres diffuses. L'heure, ah l'heure surtout. Un instant pareil au déclin d'un jour chaudement brumeux de juillet, à cet endroit même, 7 ans auparavant, n'a-t-elle pas rompu ses fiançailles avec Maurice? Du passé, le souvenir jaillit comme une flèche. C'est ce souvenir-là qui la déchire. En se réfugiant dans la demeure accueillante et sûre, chez sa grand-mère, Antoinette n'avait point prévu qu'elle retrouverait le domaine inchangé. Les mêmes allées, les mêmes ombrages, les mêmes eaux, presque les mêmes fleurs et les mêmes cailloux, parmi lesquels se brisa son premier rêve. Maurice. Jamais elle n'aima que lui. Et c'est ici qu'elle le désespéra, qu'elle lui signifia son dur congé. Pourquoi? Parce qu'elle avait appris du hasard et non de lui-même qu'il s'était fiancé à une autre jeune fille avant elle, à une de ses amies mortes. Orgueil et intransigeance de ses 19 ans, sévérité absurde dont elle avait failli mourir, ignorance des hommes et de la vie, Picardie, cette cachotterie d'un amoureux sincère auprès des vilainies de la trahison conjugale. Les yeux d'Antoinette se dirigent vers la maison distante, parcourent l'espace ombreux qui l'en sépare. Sous la voûte des tilleuls, elle voit s'éloigner pour toujours la silhouette de Maurice. Atroce minute. Comment trouva-t-elle la force de ne pas le rappeler? Son orgueil jaloux la soutenait, mais aussi l'espoir. Elle ne croyait pas accomplir de l'irrévocable. Toutefois, l'épouvante la souleva lorsqu'il fut prêt de disparaître. Elle eut un mouvement, elle allait se dresser, crier. Mais le jeune homme s'arrêta, se retourna pour une imploration dernière. Alors, triomphante, rassurée, ivre du mal qu'elle infligeait parce qu'elle en souffrait jusqu'à l'affolement. Elle eut un geste implacable et s'enfuit vers le fond du parc. Des circonstances aggravèrent ce dépit amoureux. Des malentendus enfermèrent Antoinette dans une résolution contre laquelle son cœur s'insurgea en vain. Maurice quitta la France. Un an après, on apprit son mariage à l'étranger. Aussitôt, la jeune fille accepta le plus brillant des partis que ses parents ne cessaient de lui présenter. Elle devint la femme de Julien. Elle allait cesser de l'être. Toutefois, reprise à la secrète magie du jardin touffu où son malheur la ramenait et qu'elle avait si longtemps évité de revoir, Antoinette n'était pas en ce moment l'épouse meurtrie. Ou plutôt sa nouvelle blessure s'avivait de l'ancienne. Par la plaie récente de son cœur ruisselait soudain tout le sang contenu, empoisonné, d'un mal tellement caché qu'elle le supposait guéri. Perspective abominable de la douce Charmille. N'est-ce pas sur ce gravier qu'il marchait, lorsqu'il était encore à elle, et qu'un mot lui rappelait pour toujours? À cet endroit plus sombre, il ralentit, hésita. Crut-il qu'elle avait parlé? Là-bas où le sentier ouvre une baie lumineuse, il tourna son visage triste, son beau visage d'amour. Il eut en arrière le grand élan. Et elle? Ah, supplice inutile de regret! Toute la vie d'Antoinette s'est brisée lorsque, méchamment, de la main, elle a fait le geste qui repousse. Serait-elle ici humiliée? Humiliée, non. Sa fierté ne souffre pas. Une détresse totale emporte tout. Et le sentiment d'une fatalité trop effrayante. Savait-elle, fût-ce tout à fait sa faute, si le premier mensonge sur les lèvres aimées la torturera jusqu'à l'égarement, ressuscita son âme d'alors. Elle se retrouve au même point d'ignorance, frappée de la même consternation. Elle n'aurait pas pu pardonner. Une voix chuchote. Mais maintenant, la jeune femme tressaille. Un désarroi la bouleverse. Puis elle se reprend. Maintenant. Allons donc, la comparaison seule outrage son pur souvenir, d'ailleurs. Une amertume crispe sa bouche. Pour Maurice, elle avait de l'amour, tandis que pour Julien, et c'est à celui-ci qu'elle serait indulgente. Non, grand-mère, non, impossible, je n'ai rien à lui dire, je ne veux rien entendre de lui, je ne le verrai pas. Rien à lui dire, peut-être, mais ne pas le voir. Trop tard, l'aïeule, tendrement astucieuse, a fait faire au mari coupable un détour par le bois. Julien surgit trop près d'Antoinette pour qu'elle ne pose pas les yeux sur sa figure lourde et douce, à la grosse moustache gauloise, au regard anxieux d'enfant puni. Combien peu romanesque ou conquérante cette figure! Antoinette s'étonne de la retrouver si familière, évocatrice d'une longue intimité tranquille, sans aucun stigmate de ce qui le fait pour elle un étranger. Il lui faudrait presque un effort pour ne pas parler tout simplement à ce compagnon, sous la vie duquel, voici moins de 8 jours, elle n'eut pas choisi une robe ou donné une consigne domestique. Mais l'ironie de sa survenue, alors qu'elle appartenait tout au souvenir d'un autre, parvient à la raidir. Un dédain lui courbe la lèvre, lui fait abaisser les paupières sur des prunelles glissantes, insaisissables. « S'il savait, pense-t-elle, qu'il n'est plus seul dans mon chagrin, qu'il n'y est même pas le premier. »« Antoinette, » prononce Julien, « je ne viens pas seulement implorer ton pardon. » L'humilité de la voix dément la fermeté des paroles. Pourtant, il ajoute, malgré le tremblement intérieur, la contraction du gosier. « Je viens te démontrer que si j'ai fait une sottise, une grosse sottise, il y a autant de ta faute que de la mienne. » La surprise arrache Antoinette à son attitude de statue. Elle ne peut se retenir de lever la tête, de lancer un regard plus interrogateur que foudroyant. Le beau regard scintillant, doré, sous la soie fraîche des longues paupières. Julien non plus, en le recevant jusqu'au frisson, ne peut croire à l'irréparable. C'est son Antoinette qui le regarde, et presque avec la même curiosité que lorsqu'il lui faisait deviner un cadeau. Il glisse à genoux, il risque un bras de caresse, il murmure. « Oui, Toinette, écoute, Toinette divine, si tu avais été un peu plus tôt, tiens, à peine un mois plus tôt. » Comme tu as été là-bas, tu sais, en Espagne, durant notre voyage de Pâques. Jamais cette affreuse folie. » Elle se dresse tout debout. Elle ne veut plus entendre l'Espagne, Séville, le clair de lune à Grenade. Julien fut si charmant. N'a-t-il pas éveillé en elle l'amoureuse? Oh, elle allait l'aimer, et il la trahissait. La preuve, gémit-il en se cramponnant à elle, c'est que j'ai tout rompu au retour. J'étais si heureux. Toinette, Toinette. Il supplie, car elle se retire, elle se secoue comme d'un contact odieux. Ce qu'il vient d'éveiller dans la conscience de sa femme la bouleverse, la frappe d'une évidence aiguë, mais en même temps l'exaspère. Quittez-moi, je vous prie. Notre divorce suivra son cours. C'est indigne à vous de m'obliger à vous entendre. L'homme sent qu'il a perdu la partie. Comment ? Avec l'argument qui devait la lui faire gagner. Avec la vérité tellement éblouissante que sa Toinette, si loyale, n'y pourrait fermer ses chers yeux. Comme si l'on captait les femmes avec une vérité. C'est donc elle, oui c'est elle, qui ne pourra jamais l'aimer. Qu'est son escapade masculine auprès de la dureté presque haineuse dont ce fin visage de blonde est enfin transformé. Le découragement, la colère aussi, le redresse, soulève ses épaules d'une acceptation morne. Soit, vous l'aurez voulu. Adieu. Puis, avec une espèce de violence, « Mais, mes enfants, où sont-ils? J'ai le droit d'embrasser mes enfants. » « Les enfants, » répond Antoinette, glaciale, « vous les rencontrerez sur la route. Ils sont allés au village, avec leur gouvernante, dans leur petite voiture à âne. Avec leur gouvernante, Miss Baxon. » Elle jette assez haut, avertissement au défi, le nom de la redoutable anglaise, une solide spinster du Yorkshire, attachée à ses élèves et à leur mère comme à Terre-Neuve. Si l'on rêve un enlèvement des petits, on fera bien y réfléchir. On trouverait à qui parler. Julien n'y songe pas. Ses enfants même ne comptent guère dans le désastre de son cœur. Il ne parlait d'eux que pour entendre encore la voix de leur mère, pour s'attarder une minute suprême dans l'air qu'elle respire, et aussi pour affirmer le lien avec elle, le lien que nul arrachement ne rompra. Maintenant il s'en va sous la charmille. Antoine, dont les jambes se dérobent, tombe assis sur le siège rustique. Alentour flotte la chevelure de miel du chèvrefeuille. Les herbes fauchées de la pelouse, les herbes visqueuses de l'étang, fument sous le poids tiède de l'air, s'épanchent comme l'essence de flacons brisés. Dans le soudain silence, l'âme des odeurs jette son cri, le même cri. Voici cette année qu'il perça ce cœur palpitant, là, de nouveau, et qui reconnaît la plus aiguë vibration de son angoisse. 7 ans, mais non, le passé s'abolit. Ou bien l'immédiat présent n'est qu'un rêve. Elle est revenue, l'heure décisive, l'heure que la vie rapporte à chacun, comme une servante fidèle rapporte le billet de loterie égaré. Tu te plains d'avoir manqué ta chance. Le sort va faire tourner pour toi le même numéro. Aie donc la hardiesse de le jouer. Antoinette est perdue, ne sait plus à quelle minute elle se trouve de son destin. Cette silhouette qui s'éloigne, est-ce Maurice, Julien? Un homme, faible ou léger, qui la fait souffrir, qui la fera souffrir encore. Ou bien plutôt l'amour même qui s'efface lorsque pour lui, l'on n'accepte pas le sacrifice. Les mains contre son sein, la jeune femme retient son souffle. La répétition tragique l'hallucine jusqu'au délire. Ses yeux élargis contemplent, parmi les alternatives trop connues d'ombre et de lumière, cette forme fuyante. Voici la baie claire du sentier. Elle sent, elle sait, qu'avant de disparaître, celui-là aussi va se retourner. Julien se retourne. Il voit sa femme qui lui tend les bras. De quel bond il accourt s'y jeter. Pourtant, elle ne l'a pas rappelé par son nom. Ce qu'elle a rappelé, ce qu'elle étreint follement, ce qu'elle voudra désormais incarner en lui, pour leur bonheur futur, c'est son rêve, à elle, c'est l'illusion de sa jeunesse, que le retour de l'heure lui a montré près de disparaître, pour la seconde fois, sous une charmille, une douce après-midi de juillet, parmi les parfums qui ne vieillissent pas, qui ne meurent pas, qui ne changent pas, et qui nous restituent notre âme en quelques sentiers d'un vieux jardin. C'était Le Retour de l'Heure, par Daniel Le Sueur.